soutien gorge. Ce monde qui voit tout grand sous Saint-Georges. Oh l'enfer, lui sous pas de marque. Oh, je suis de sa combinaison. Alors, pas s'en va sans soutien gorge. C'est pas sous force, sous grand sous pas Saint-Georges. Oh l'enfer, lui sous Bergenard. Oh, revenons de ce bar-là, comme elle a tout fait. Un mardi gras, t'en fais pas ton à des crêpes. Un mardi gras, t'en fais pas ton à des crêpes. Attention, un joli saucisson. Ah!